Cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man ittaba'a hudah amma ba'd. أخذنا في درسنا الأخير في القواعد المثلى القاعدة الأولى la première règle في الأسماء في أسماء الله عز وجل première règle concernant les noms d'Allah سبحانه وتعالى فما هي هذه القاعدة تفضل نعم أسماء الله تعالى كلها حسنى وما معنى هذه القاعدة donc la première règle les noms d'Allah سبحانه وتعالى c'est tous des noms parfaits عندما تفضل مغنها بالغتون بالغتون في الحسن كاملة بالغة في الحسن غايته هكذا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله أي ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. أكمل ما يكون في حسنه. والنعم أكمل ما يكون في الحسن والكمال أي كاملة أن هذه الأسماء كاملة. من يزيد أن أضيف لي شوز للتوضيح أكثر. عندما تفضل. نعم. كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة كاملة. Chaque nom parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى il englobe un attribut parfait. مثل ماذا؟ تفضل. العليم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة العلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سبحانه. إيه العليم من أسماء الله سبحانه. فقاعدة سهلة مهمة. Donc chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est forcément un nom parfait. لماذا؟ لأنه il englobe un attribut parfait. وشيخ ابن عثيمين il a cité l'exemple avec اسم الحي والعليم والرحمن et كذلك il a cité une faïda avec un autre مثال أي العزيز الحكيم. لماذا شيخ ابن عثيمين il a cité هذا المثال أي ce verset العزيز الحكيم تفضل لأنه يذكر كثيرا في القرآن الاسم العزيز الحكيم أو غيره من الأسماء يعني المركبة يعني ليست مركبة هكذا رحمة اسم واسم آخر معه نعم يعني ومعناه يعني كمال فوق كمال يزيد غير معنى واحد منهما يعني منفردا إذا ذكر اسم مع اسم آخر فلا شك أنها أن تغاي نطق فائدة لأن شك اسم فيه معنى عظيمة مثلا العزيز يتضمن صفة العزة الحكيم صفة الحكم أو الحكمة chacun de ces noms بانفراده أي quand il est cité seul فلا شك أن تغاي فائدة عظيمة أن الله c'est العزيز donc il a العزة et أن الله c'est الحكيم donc il a الحكمة والحكم لكن s'ils sont cités les deux فلا شك أن تغاي فائدة en plus وما هي هنا dans cet exemple العزيز الحكيم تفضل العزيز يتضمن صفة العزة كاملة والحكيم يتضمن صفة الحكمة والحكم فلما نجمع بينهما العزة يتقرننا أو العزة مقرونة العزة مقرونة بالحكمة ما معنى هذا الكلام؟ أن العزة مقرونة بالحكمة يعني أن الله هو العزيز ولا يظلم نعم لا يظلم أي هذه العزة والله سبحانه وتعالى مع هذه العزة إلى ذو الحكمة شك شوز إتا سابلس الله سبحانه وتعالى سب الحكيم ما الدليل على هذه القاعدة ونبليد ستي الدليل من القرآن عندما تفضل نعم ولله الأسماء الحسنى قال رحمه الله القاعدة الثانية من قواعد الأسماء. La deuxième règle. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. هذا تقدم معنا dans le درس précédent. أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أي chaque nom, il englobe un وصف, une صفة. قال أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. وخلاصة هذا الكلام أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف كما قال رحمه الله. معنى قوله أعلام قال باعتبار دلالتها على الذات أي تسنو إدزن الله سبحانه وتعالى. فمثلا الله سبحانه وتعالى السميع العزيز الجبار القيوم الرب تسنو سدنو الله سبحانه وتعالى. Ne pas croire que ces cinq noms, ça veut dire qu'il y a cinq آلهة عيدا بالله. أبدا. Imam al-Muslim, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a plusieurs noms. Et on peut se poser la question هنا. في الحقيقة هذا الكلام il est واضح, il est clair. لكن vous verrez que بعض أهل البدع والضلال من المعطلة, ils se sont égarés في هذا الباب. Ils ont pensé que si tu dis qu'Allah il a plusieurs noms, et ces noms ils englobent des attributs, ça veut dire que tu dis qu'il y a plusieurs aliha. عيادا بالله. Ça veut dire qu'il y a plusieurs divinités. Alors que Allah il est unique. إيه سكلام كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى يخالف النصوص والعقل للتكست إلى raison il prouve que le fait d'avoir plusieurs noms ça veut pas dire que cette chose qui est nommée elle n'est pas unique. فمثلا tu peux trouver واحد il a plusieurs noms, ça arrive, il a deux noms, ce qu'on appelle نحن des prénoms. Et ربما il a un surnom il a آخر. Si on قدر أن واحدا il s'appelle Muhammad وعبد الله, est-ce que ça veut dire que ces deux personnes? أبدا. Muhammad et Abdullah ça désigne cet homme. Si on revient à notre قاعدة قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أعلام باعتبار دلالتها على الذات أي tous ces noms ils désignent Allah سبحانه وتعالى. فالله سي العزيز سي الرحيم سي الرحمن سي القيوم إلى آخر. Tous les noms c'est des noms d'Allah سبحانه وتعالى. قال وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. Chaque nom il renferme un attribut parfait. فالle sens de Sami' c'est pas le même sens que Al-Alim. Et le sens de Rab c'est pas le même sens que Al-Qawi. وهكذا. فلهذا قال شيخ العثيمين وهي باعتبار الأول مترادفة. قال في الحاشية أي في النسخة فسكلا اكسبليكي الترادف. قال وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف. ثم إلى سيتي plusieurs exemples. المهم أن مترادفة هنا أي تسنو il désigne Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ces noms, c'est pour désigner Al-Ilah, Al-Haq, Al-Rab, Subhanah. Thumma qal, li dalalatiha ala musamma wahid. Donc, fil haqiqa, Al-Sami' wal-Alim, c'est pour désigner le même Ilah. Donc, Al-Sami' c'est l'Alim. Et Al-Alim c'est Al-Sami'. Tu prends n'importe quel nom, il est mutaradif. Il est mutaradif. أي يدزين لمن إله الله سبحانه وتعالى. قال وهو الله جل وعلا وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. أما بالاعتبار الثاني سيكون الاعتبار الثاني الاعتبار الأول سدلالتها على الذات أي تسنو يدزين لمن إله. Donc, en fait, tous ces noms, c'est la même chose. Al-Ilah, c'est Al-Qayyum. Al-Qayyum, c'est Sami'. Al-Rahman, c'est Allah. Voilà. C'est ça, Al-Taradouf. Ça, c'est bi'atibar Al-Musamma. Et celui qui est nommé, Allah, subhanahu wa ta'ala. بالاعتبار الثاني c'est pas la même chose. فمعنى القيوم c'est pas معنى الرحمن, معنى القوي c'est pas معنى الرحيم, وهكذا. C'est quoi l'i'tibar الثاني؟ نعم, c'est باعتبار ماذا؟ نعم, باعتبار ما دلت عليه, دلت عليه من المعاني, أي ما تتضمن هذه الأسماء من صفات. Est-ce que l'attribut dans اسم الرحمن c'est le même attribut dans اسم العزيز؟ لا, العزة c'est pas الرحمة, et الرحمن c'est pas العزة. الآن est-ce que العزيز c'est الرحمن؟ نعم, العزيز c'est الرحمن, et الرحمن c'est العزيز, c'est دين الله سبحانه وتعالى. Donc si on revient à la قاعدة الآن, قوله أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام أي c'est pour désigner le même créateur, le même إله, الله سبحانه وتعالى. But tous les noms d'Allah سبحانه وتعالى qui sont cités في القرآن, في السنة, et qu'on ne connaît pas, c'est pour nommer Allah, c'est des noms d'Allah سبحانه وتعالى. Et tous ces noms, ils renferment un attribut, une ma'na, un wasf. Et ces attributs, ce sens, la chaque annahum, ils sont différents. Hada ma'na al-kalima. On peut se poser la question, pourquoi avoir cité cette qa'ida? En fait, c'est simple. Et vous avez remarqué que certaines choses, tellement que c'est simple, si on vient à détailler, ça se complique. Alors que hada, c'est simple. On prend l'exemple d'un être humain. Walillahi al-mathalu al-a'la. Laquelle on prend l'exemple d'un être humain pour t'expliquer faqat qadiyata al-alam wal-wasf. Ça va te rapprocher. Maintenant, un charson, il s'appelle Mohammed. Il a un deuxième prénom, il s'appelle Abdullah. Et il a un surnom. On l'appelle At-Tawil parce qu'il est grand. Est-ce que At-Tawil, ou Mohammed, ou Abdullah, c'est trois êtres différents? Indaban. Là, pourquoi? C'est la même personne. C'est le même Moussama. Ces trois noms, c'est pour le même Moussama. Tu peux lui donner mille noms, ça ne sera qu'une personne. Personne, min al-uqala, fadlan, ani al-ulama, ils penseront, anna, il y a plusieurs personnes. Abadan. Al-an, cette personne qui a plusieurs noms, elle a plusieurs caractéristiques. Cette personne, elle est intelligente. Cette personne, elle a telle couleur de peau. Cette personne, elle est modeste. Cette personne, elle a du ilm. Il a akhir. Tous ces awsaf, c'est pour désigner كذلك هذا الانسان. Est-ce que le fait qu'il soit grand, c'est le même sens que le fait qu'il ait du ilm? Abadan. La grandeur, c'est une caractéristique, et la science, c'est une autre caractéristique. هذا معنى الكلام. Avec cette clarté, et في الحقيقة, c'est évident, c'est clair, c'est évident, ça t'esma. أن بعض المعطلة يزخالف أهل الحق في هذا الباب, يزخالف العقل. قال شيخ العثيمين رحمه الله, فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد. إلى ستيك الكنود الله سبحانه وتعالى الثابتة في الكتاب وفي السنة. C'est non, c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وهو الله سبحانه وتعالى لكن معنى الحي غير معنى العليم. Pourtant, الحي c'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et العليم c'est un autre nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. لكن le sens, il est différent. الحي c'est celui qui a la vie parfaite, et العليم c'est celui qui a l'ilm, qui connaît tout. قال ومعنى العلم غير معنى القدير ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه, كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم, وقوله وربك الغفور ذو الرحمة. Avec ces deux versets, في الحقيقة, si tu as compris, أخي الكريم, tu peux citer وجه الدلالة. لماذا شيخ العثيمين il a cité ces deux versets pour argumenter sur tout ce qui vient de citer, rahimahullah. Le premier verset, wa huwa al-ghafur. Wa huwa al-ghafur al-rahim. Deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ghafur et al-rahim. Ism al-ghafur, yatadhamman sifat ma'adha? Indak? الغفران والرحيم صفة ماذا؟ نعم زد الرحمة. ثم إلى الستنا دوزيام فيرسي وربك الغفور ذو الرحمة. لماذا إلى الستنا دوزيام فيرسي؟ اسمعوا السؤال. السؤال أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى الستنا دوزيام فيرسي pour argumenter sur la règle. أولا avant de répondre tu dois te rappeler c'est quoi la règle. ثم applique ces deux versets sur la règle. نعم. فالاسم il est dans la première ayah. C'est quoi l'ism? C'est dans un. Là, l'autre. Ar-Rahim. Et dans la deuxième ayah, tu as la sifa du premier nom. C'est quoi? Là, Al-Ghafour, c'est un ism. La sifa. Dhur-Rahim. Ces deux versets te montrent un Ar-Rahim. C'est un alam. C'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset il a démontré qu'il a rahma. Ça te montre anna ma min ism, ma min ism parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un alam, un nom et kadhalik un sifa, un attribut. Le premier verset tu as le nom ar-rahim et le deuxième tu as la sifa dhur rahma. Ça montre anna Allah subhanahu wa ta'ala c'est rahim et il a ar-rahma. Pourquoi? Parce que hadha tellement que c'est évident vous avez eu du mal à répondre. Et en fait c'est très évident. Lakin si tu sais que Ahlul Bida' min al-Mu'attila, surtout al-Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent fil asma? Ils disent, on prend l'exemple d'Aiman de Ar-Rahim, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala c'est Ar-Rahim, lakin il n'a pas de Rahma. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'Aziz, lakin il n'a pas de Izza. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala c'est Sami', lakin il n'entend pas, il n'a pas de Sam'. Allah c'est le Basir, lakin il n'a pas de Basar, il ne voit pas. Pourquoi? Indaman. لماذا المعتزلة ils ont fait هذا التفصيل العجيب. Pourquoi ils ont dit qu'Allah il a les noms, ils ont accepté, ils ont dit il n'a pas de sifa. On revient à notre qaïda et on revient au kalam qu'il a cité Cheikh Ibn Uthaymeen et en lisant la suite inshallah ça sera clair. عندمن تفضل اخي لا لا لا كلام المعتزلة لماذا المعتزلة ils ont dit Allah il est rahim لكن il n'a pas de rahma. نعم لكن دعنا ندخل الدرس الآن. لأن لهم الرحمن وصفة المخلوق. لا هذا شيء آخر عنده. لأنهم لو قلنا يعني أن لله يعني أوصاف كثيرة أو أسماء كثيرة يعني يقولون أن هذا تدل على عدة آلهة. أحسنت. لأن المعتزلي ذكر عقل منكوس. Ils ont délaissé les textes du Coran et de la Sunna. Et en délaissant les textes, ils ont contredit la raison. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si tu dis que Allah c'est Ar-Rahman, suivez, on reprend les noms que Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité, c'est plus simple. Si tu dis qu'Allah c'est le Hayy, c'est l'Alim, c'est le Qadir, c'est le Sami', c'est le Basir, c'est le Rahman, c'est le Rahim, c'est l'Aziz, c'est le Hakim, ça fait 9 noms. Si tu dis que ces 9 noms, ils englobent un attribut parfait, un wasf, on revient à la règle, a'lamun wa awsaf, indahum, si tu dis hala, ça veut dire qu'il y a 9 aliha. Tu dis qu'il y a 9 divinités. Ayyadam billah. C'est pour ça que le Mu'tazila, ils disent, na'am Allah, il a des noms. Lakin, il n'y a pas de sens. Allah, c'est l'Aziz. Al-Aziz, c'est Allah. Ar-Rahman, c'est Rahim. Ar-Rahim, c'est Rahman. Ça, c'est haq. Lakin, indahum, tu ne peux pas dire qu'il y a une ma'na. Si tu dis qu'il y a un sens, ça veut dire que tu dis qu'il y a plusieurs aliha. Ayyadam billah. مفهوم؟ قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. فتأملوا le deuxième verset وربك الغفور ذو الرحمة ça montre quoi? Ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala c'est الرحيم comme c'est cité dans la première, le premier verset et هذا الاسم englobe une صفة كاملة. Cette صفة elle est citée dans l'autre verset ذو الرحمة. Ça c'est pour répondre à Ahlul Bida' qui disent أن الله سبحانه وتعالى لا دينه لكن مجرد أسماء كالمعتزلة. المعتزلة يؤمنون بالأسماء لكن ينكرون الصفات. قال شيخ ابن عثيمين ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. صحيح. بخوا العلماء عليهم رحمة الله كشيخ ابن عثيمين إذن سيتي مثل هذا الكلام. alors que في الحقيقة c'est clair. Si tu dis, tu demandes à n'importe quel ami, si tu dis Allah c'est le Rahman, est-ce qu'il a de la Rahman? Il va te dire non. Sinon, on n'aurait pas dit Rahman. Ou hakad al-Aziz, ou hakad al-Sami'. Si tu dis qu'Allah c'est le Sami', forcément c'est qu'il entend. Ou illa, pourquoi tu dis que c'est le Sami'? Al-Mu'tazila, ils ont un niveau de tanaqud dans la contradiction, dans l'égarement. Ils disent non, Allah c'est le Sami'. Si tu lui dis donc Allah il entend, il dit là, Sami'un bila sam'a. وإلا من الحقيقة سي أهل البدع يسوسوغي با إيغاري في هذا الباب الشيخ ابن عثيمين إلا غير جامي سيدي هذا الكلام لأن سي إيفيدون أن أسماء الله أعلام وأوصاف سي كلير الله إلا دي نو إي بيان سور سي أون دي كالله سي البصير فورسيمون سي كيلا صفات البصر الله يفوا إلا لا تخيبو دو لا فيو يفوا عز وجل. ثم قال الشيخ ابن عثيمين وبهذا علم ضلال من سلب أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل. الآن شيخ ابن عثيمين رحمه الله à partir de ce passage il a fait le lien pour répondre à أهل البدع والضلال أي من أهل التعطيل خاصة المعتزلة. Si tu as compris هذا أن les noms d'Allah سبحانه وتعالى أعلام وأوصف أعلام أي tous ces noms ils désignent le même créateur Allah عز وجل. Et ces noms sont différents min hayth al-ma'na. Le sens de al-sami' c'est pas le sens de al-basir. Al-sami' c'est l'ouïe, al-basir c'est la vue, c'est pas le même sens. Lakin si tu as compris hada qala wa bi hada ulima ad-dhalalu man salabu asma' Allah ta'ala ma'aniha min ahli at-ta'til. Si tu as compris hada al-mu'tazila qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à cette règle? أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف المعتزل كيس كي فادير أحسنت المعتزل فادير أسماء الله أعلام سي تو لي دي أوصاف تو دي لا بوركوا دو شوز لأن عنده سي تو دي كالله إلى بلوزيور صفات سا فو دير كيا بلوزيور أهلها سا فو دير كيا بلوزيور ديفينيتي سي ليغارمون إيفيدون وكذلك كما قال أحد الإخوة أن عندهم سي تو دي كالله إلى تيل أتريبيو سا في ça implique une ressemblance à la créature. Enfin, ils ont rejeté et ils se sont égarés. قال رحمه الله وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا عيادا بالله سميع بلا سمع. Tu ne trouveras pas une contradiction والله تعالى أعلم plus clair que هذا. Allah c'est سميع et celui qui entend et il n'entend pas. وهكذا أهل الضلال قال وعللوا ذلك عللوا أي ils ont cité comme cause comme argument pour dire pourquoi ils prétendent que Allah se سميع لكن il n'entend pas. عللوا ذلك ils ont cité comme argument بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. القدماء هنا c'est le pluriel de قديم et هنا المعنى c'est الآلهة. Et si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ces noms, ça englobe des attributs parfaits, ces attributs parfaits, ils ont un sens, ça veut dire que tu dis qu'il y a plusieurs aliha. Et indahum, ils ont compris que Samir, c'est un sens, donc c'est un ilah, c'est une divinité. Al-Basir, c'est un autre sens, donc forcément c'est une autre divinité. Ayyadam billah, ha'oula ad-dullal. Si ils auraient réfléchi qalilan sur eux-mêmes, n'importe quel être humain, il a plusieurs sifats. Chaque être humain, il a le sifat de la vie, l'attribut de la vie, tant qu'il est vivant, bien sûr. Kadhalik, lui, s'il entend. Kadhalik, la vue, s'il voit. S'il ne voit pas, il aura l'odorat. S'il n'a pas l'odorat, il aura un peu d'ilm, il aura... Kadhalik, il a le sifat. Il a une taille, il a une couleur, il a un certain poids. Tout ça, c'est des caractéristiques. Est-ce que ça veut dire, si on dit que cet être humain, il a une vie, il voit, il entend, ça veut dire qu'il y a trois êtres humains? نعوذ بالله لا أحد يقول بهذا فهم يزعطانه ويقولون هذا في رب العالمين عز وجل فإذن رجت توت الصفات. قال وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. نعم cet argument il est ضعيف جدا كما قال شيخ ابن عثيمين c'est un argument meyit c'est un argument qui est mort qui n'a aucune valeur et il va montrer il a montré rahimahullah dans ce livre avec les textes du Coran et de la Sunna et la raison que ce kalam il est totalement faux قال أما السمع السمع أي القرآن والسنة فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد صحيح في القرآن الكريم on a plusieurs versets qui montrent plusieurs caractéristiques plusieurs attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que Allah il est unique فمثلا قال فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إن بطش ربك donc الرب il est unique on est tous d'accord ثم الله سبحانه وتعالى il a cité plusieurs attributs البطش هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش et فعال il fait ce qu'il veut tous ces attributs est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs آلهة نعوذ بالله ça c'est des attributs d'Allah سبحانه وتعالى c'est des أفعال de Allah subhanahu wa ta'ala. قال وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى إلى آخره. Donc tu as un ism parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, al-A'la, ثم tu as plusieurs صفات. الذي خلق والذي قدر والذي أخرج المرعى إلى آخره. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs آلهة? Abadan. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il veut. C'est lui qui crée, c'est lui qui guide إلى آخره. قال ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. Ça c'est des versets du Coran al-Karim qui prouvent que Allah il a plusieurs attributs. Il fait ce qu'il veut Azza wa Jal et ça implique pas qu'il y a plusieurs divinités. Abadan. قال وأما العقل ça c'était une réplique avec les textes du Coran أما العقل la raison قال فلأن الصفات ليس الذوات بائنة من الموصوف هؤلاء ils ont compris كأن الصفات les attributs c'était des choses à part مثلا الرحمة c'est رحمة الله الكلام c'est كلام الله l'attribut c'est pas une chose قائم بنفسه قال فلأن الصفات ليس الذوات بائنة من الموصوف بائنة أي منفصلة tu peux remplacer le mot بائنة par quelque chose de منفصل أي de à part قال حتى يلزم من ثبوتها التعدد وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته ففيه صفات الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره خلاصة de هذا الكلام الأخير c'est l'exemple qu'on a cité ما من مخلوق إلا plusieurs صفات tu prends par exemple on répète l'être humain tu as une صفات c'est صفات الوجود et tu existes tu es présent ça c'est une صفات كذلك si tu es vivant tu as صفات الحياة ça te fait une deuxième صفات كذلك tu as une certaine taille ça te fait une troisième صفة كذلك tu as une couleur de peau ça te fait une quatrième صفة كذلك tu as de la force chacun par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné كذلك des connaissances toutes ces صفات est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs êtres humains أبداً et si on parle de une personne est-ce que ça veut dire que si on dit qu'il a toutes ces caractéristiques ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes أبداً donc on répète et on essaye de simplifier la deuxième règle Asma'ullah تعالى أعلام وأوصاف. Donc tous les noms d'Allah سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. أعلام أي c'est des noms qui désignent Allah سبحانه وتعالى. الرحمن c'est Allah. العزيز c'est Allah. الملك c'est Allah. القدوس c'est Allah. مفهوم؟ ça c'est قوله أعلام. للدلالة على الذات. أي ça désigne tous ces noms ils désignent tous le même ذات. أي Allah le même créateur. عز وجل. أوصاف أي tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala forcément ils englobent un attribut parfait ces attributs ils n'ont pas le même sens مثلا Al-Aziz c'est pas le même sens que Al-Rahim Al-Jabbar c'est pas le même sens que Al-Rahman des sens différents لماذا لأن chaque nom il a un attribut et cet attribut il a un sens parfait أهلُ البدع والضلال من المعتزلة ils ont dit هم لا les noms d'Allah c'est des أعلام فقط Et hada c'est haq, les noms d'Allah c'est a'lam. Lakin ils se sont égarés en rejetant les attributs. Les mains là, les noms, ils ont pensé que si tu dis qu'il y a plusieurs sens, Matalan al-Aziz il a un sens, al-Rahman il a un sens, al-Qayyum il a un sens, ils ont pensé que c'est comme si tu disais qu'il y a plusieurs divinités. Enfin, ils ont rejeté les attributs. Al-An, tu as compris pourquoi al-Mu'tazila, ils ont rejeté les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik, ils ont une aqidah, si tu dis qu'Allah il a des attributs, tu le fais ressembler à la créature, wa hada. Si tu as compris هذه القاعدة, Cheikh Al-Uthaymeen il a cité une فائدة à la fin. نقرأها. قال وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. Vous vous rappelez de la première règle, أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى. Tous les noms d'Allah سبحانه وتعالى ils sont parfaits. Ad-dahru, c'est pas un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Limada, pas par rapport à la deuxième règle, par rapport à la première. Et al-haqiqa, c'est lié, ça se ressemble. Limada, ad-dahru, tu peux pas dire que c'est un ism min asma illah. Par rapport à la première règle, amma ad-dalil sayati ma'ana, inshallah, al-kalam alayh. Tfaddal. Ahsan, li'anna ad-dahra la yatadhamman صفة كاملة. كما قال شيخ العزيمين سان اسم جامد. الأسماء en langue arabe, tu as deux catégories de noms, des noms qui englobent un attribut et des noms أسماء جامدة qui n'englobent pas d'attribut. مثلا الدهر, le temps, il n'y a pas d'attribut. قال ولأنه اسم للوقت والزمن. Et الوقت والزمن c'est des créatures. Ça ne peut pas être un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر قال يريدون مرور الليالي والأيام. شوف العظيمين il a cité ce verset pour te montrer le sens de الدهر, c'est le temps. C'est pour ça que منكري ou منكر البعث, ceux qui ont rejeté, qui ne croient pas en la résurrection, ils ont prétendu qu'ils vont périr à cause du temps. Et les jours ils vont passer, les nuits elles vont passer, le temps il va passer, hatta ils vont périr. La yu'minuna bil ba'th, annahu chacun de nous il sera ressuscité ila akhir. Donc ça te montre anna ad-dahr c'est bi ma'na al-ayyam az-zaman, ay le temps. Qala baqiya un ishkal. Baqiya un ishkal que Cheikh Al-Uthaymeen il a répondu. Qala fa amma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر قلب الليل والنهار. شيخ ابن عثيمين إلى سيدي هذا الحديث لماذا؟ لأن قد يشكل على بعض الناس. بعض الناس يبقى سبوز على كيسيون si on dit que الدهر on peut traduire par le temps, ça fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا؟ لأن on a des règles. Chaque nom forcément il doit englober un attribut parfait. Et Ad-Dahr, tu ne peux pas citer un attribut, c'est un ism jamid ay qui n'englobe pas d'attribut. Baqiya qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, bal qawl Allah azza wa jalla fi al-hadith al-qudsi yu'dhin ibn Adam. Limadha qala yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr? Allah azza wa jalla il a dit wa ana ad-dahr. C'est moi Ad-Dahr. Donc بعض الناس ils ont compris que Ad-Dahr c'était min asma'illah. Wa hada c'est un khata. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen fala yadul ala anna ad-dahr min asma'illah ta'ala. Pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, on vient de le citer les règles. Il n'englobe pas un attribut parfait. قال وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمن الزمن الذي هو محل الحوادث. قال لا يريدون الله تعالى فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار. في الحقيقة, dans le hadith, il y a la réponse. قال عز وجل on répète يؤذين ابن آدم يسب الدهر. Certains êtres humains ils insultent le temps. قال عز وجل وأنا الدهر, et c'est moi le temps. ثم قال عز وجل بيد الأمر أقلب الليل والنهار. في الحقيقة cette dernière partie du hadith elle explique قوله عز وجل أنا الدهر. أنا الدهر quand Allah عز وجل il a dit أنا الدهر, أي c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère le temps. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla قال في الحديث بيد الأمر أقلب الليل والنهار. C'est Allah qui gère la nuit, le temps, le froid, la chaleur, la pluie, le soleil, il a akhiré. Enfin, celui qui insulte le temps, c'est comme s'il insultait celui qui gère ce temps. وإلا فالله سبحانه وتعالى الدار الصفة با بارتي دو سي نو. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه. أنا الدهر أي خالق الدهر. C'est Allah qui a créé le temps, c'est Allah qui gère le temps. قال وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر. الليل والنهار c'est الدهر, c'est le temps. Le temps c'est fait de quoi? C'est fait de jour et de nuit, c'est ça le temps. On dit maintenant, le temps il passe vite. C'est quoi qui est passé vite? Les journées et les nuits. قال ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. المقلب c'est qui? On répète le hadith. Et بيد الأمر أقلب الليل والنهار. المقلب c'est qui? C'est Allah عز وجل. المقلب c'est celui qui gère. قال عز وجل أقلب الليل والنهار. C'est Allah سبحانه وتعالى qui gère la nuit et le jour. Il fait ce qu'il veut سبحانه. قال الشيخ ابن عثيمين لا يمكن أن يكون المقلب. C'est pas possible que المقلب est celui qui gère le temps. Ça soit lui-même المقلب. Et le temps. Et ce qui est géré. Enfin, tu as Allah qui gère. Et tu as une chose qui est gérée. Enfin, celui qui gère, ça ne peut pas être la chose qui est gérée. Ça montre qu'il y a une différence. Enfin, celui qui gère, c'est Allah. Et la chose qui est gérée, c'est le temps. Ça nous montre. On a le temps. Ad-dahr, ça ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر لهذا الحديث مرادا به الله تعالى. وابن حزم رحمه الله قال بأن الدهر من أسماء الله. وابن حزم لا يؤخذ بأقواله في هذا الباب العظيم. إلى beaucoup d'erreurs بل de l'égarement واضح في باب الصفات. بعض العلماء ils l'ont qualifié de jahmi fi hada al-bab. Yarud ba'd al-asma' ba'd al-sifat wa yuthbit des choses. Limadha? Pourquoi Ibn Hazm il s'est égaré fi hada al-bab? Li'annahu il a délaissé la compréhension des salaf. Ibn Hazm ta'lamoun annahu il avait un madhhab, madhhab al-zahiriyya, annahum yabkhun tu 'ala al-zahir. Et كثير من المسائل في العقيده نعم سي على الظاهر لكن هنا الى دليل على compréhension des salaf فهو الى بخي قوله انا الدهر الى دي الله الى دي انا الدهر donc c'est min asma illah. Il a pas compris ou il a pas suivi les salaf dans la compréhension du reste du hadith. اقلب الليل والنهار, ça c'est une explication de قوله عز وجل انا الدهر. Le fait de délaisser la compréhension des salaf الائمه فلا شك أنه سعيدا بالله فتح باب دو ضلال إذن حراب دي قعمر. فلهذا السلف لا يثبتون هذا الاسم الدهر لله عز وجل. مم سي سو حديد إلي كلير أن الله قال أنا الدهر فلا شك أن لا كومبخانسيون سي لا كومبخانسيون كلا الإكسبليكاسيون جوست سي سيل كلا سيتي الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فالقاعدة الثانية إن شاء الله تعالى ألي سامبل. Je comprends anna asma Allah alamun wa awsaf. Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils désignent le même ilah, c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ces noms, ils englobent un attribut parfait. Kadhalik, tu retiens anna al-mu'tazila al-mu'attila, qui se sont égarés fi bab as-sifat, et yaqulun anna asma Allah c'est des a'lam faqat la yu'minuna bis-sifat. Pourquoi? Lianna si tu dis que Allah il a des attributs, ça veut dire que les noms, mathalan Al-Hayy, Al-Alim, Al-Qadir, c'est trois sens. Sahih, c'est trois sens. Al-Hayy, ça montre qu'Allah il est vivant. Al-Alim, ça montre qu'Allah il sait tout. Et Al-Qadir, ça montre qu'Allah il est capable de tout. Aïndahum, ils ont dit, si tu dis qu'il y a trois sens différents, ça veut dire qu'il y a trois ilahs différents. Aïyadam billah. Enfin, ils se sont égarés. Min hadha al-bab. Naktafi bihada. Et on passe à notre deuxième dars, inshallah. Révisez hadhihi al-qa'ida. Et essayer de résumer le plus simplement possible. Et si une chose n'est pas comprise, fa inshallah le prochain dars. C'est très simple, Adalbert. C'est très très simple. L'aqida as-salafiyya, elle est très très simple. Tu trouves des complications fi ba'd ar-rudud à cause de ahl al-bid'ah. Matalan huna ta'addud al-qudama ila akhiri, rubama hadhihi al-alfaz, certains frères ils n'arrivent pas à les comprendre. Wa illa fi al-haqiqa, c'est très très simple. Les noms, c'est des noms d'Allah et ces noms, ils ont un sens parfait. Ah, là, c'est très très simple. Lakin, ba'd ar-rudud ala ahl al-bid'ah, ça peut être compliqué au départ pour certains. Et nous, ensemble, on essaye de simplifier au maximum.